Dossier 2, page 28, activités 2 et 3. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Depuis quelques jours, j'ai mal à la tête, j'ai un peu de fièvre et j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. Et est-ce que vous toussez ? Oh, ce matin, j'ai beaucoup toussé en me réveillant. D'accord. Vous avez une toux sèche ou une toux grasse ? Oh, je crois que c'est simplement une irritation. Bien, vu les symptômes, toux sèche, fièvre, mal à la gorge, je pense qu'il s'agit d'une infection virale. Je vais vous prendre votre tension artérielle et votre pouls. Oui, allongez-vous, s'il vous plaît. Vous avez 12,8, c'est correct. Et le pouls est parfait, 80. Je vais en profiter aussi pour prendre votre température. 38. Non, je ne suis pas très inquiet. Je vais vous faire une ordonnance, mais sans antibiotiques. Il n'y a pas de surinfection. Mais moi, ce qui m'inquiète, docteur, c'est que je dors très mal. J'ai des insomnies. Ça fait longtemps ? Bah oui. Oh, ça commence à faire au moins 3 semaines maintenant. Avez-vous des ennuis personnels en ce moment ? Je ne sais pas, un deuil dans votre famille, des difficultés conjugales ? Effectivement. Je suis en instance de divorce. Et mon mari me fait des difficultés depuis quelque temps à propos de la garde des enfants. D'accord, je comprends mieux maintenant. Vous traversez une passe affective difficile. Vous avez des amis ou des personnes de votre famille en qui vous avez confiance, qui pourraient vous venir en aide ? Oh, oui, ma sœur habite pas très loin de chez moi, mais je ne veux pas la mêler à tout ça. Eh bien, vous avez tort. Il faut parfois se faire aider ponctuellement, car il peut y avoir aussi des répercussions graves sur votre organisme. Je vais rajouter à mon ordonnance un anxiolytique très léger. Vous êtes salarié ? Oui, et je ne suis pas allé travailler ce matin. Oh, je me sentais trop mal. D'accord. Alors à ce moment-là, je vais vous faire un arrêt maladie de 2 jours pour votre employeur. Pour l'ordonnance, vous allez prendre du paracétamol, un comprimé, toutes les 3 heures. Je vais également vous prescrire un sirop contre la toux, une cuillère à café le matin et une le soir. Et puis si vous avez du thym ou des herbes aromatiques sur votre terrasse, de la lavande par exemple, n'hésitez pas, faites-vous des tisanes, ça va vous apaiser. Alors, pour l'anxiolytique, un demi-comprimé avant de vous coucher pendant 1 mois. Mais surtout, suivez mon conseil. Hein ? Confiez-vous à votre sœur. Ou alors, je ne sais pas, consultez un psychologue. Merci, docteur. Je vous dois ? Vous avez la carte vitale ? Merci. Ça fera 21 euros.